Salut Ojo, ça va bien? Salut Morsay, comment ça va? Ouais bien, j'ai appris alors que tu viens de sortir du Hebs là. Ouais, je viens de sortir là. J'espère que les affaires ça va aller mieux. Hein. Je vais te mettre un peu dans le terrain gros. Ça te dit ou pas? Pas de problème, vas-y. Dis-moi oui ou non cousin, vas-y, je te mets direct même ce soir si tu veux. Ah, là j'ai besoin d'un mec là pour Kibi Krav là pour WAM. Ouais, mais y'a ma meuf. Mais qu'est-ce que tu parles de ta meuf? On est cramé là mon pote. Ta meuf c'est une taspée, vas-y arrête de me parler d'elle. Elle a fait cocu avec tous les mecs du Tchéka. Vas-y Miskina, ta daronne elle a pas de maille, elle a rien. Laisse-moi parler, je t'explique la vie moi. Ta daronne Miskina, ton daron ils ont rien. Y'a rien dans ton frigo, tu viens ma meuf. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? T'es toi, ça s'est fait baiser par tous les mecs du Tchéka mon pote. Va faire un peu d'argent là, ramène l'argent un peu à la daronne là. Ouais. Ton cas, monsieur bonsoir. Police nationale. Je t'ai dit qu'on était cramé. Reste là, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où là? Regarde-moi, toi. Non, je te connais, toi. Frère, attends, ouais, je suis ici. Chez nous, c'est Tchéka. Reste là, baisse d'un ton, jeune homme. Là. Tu te crois où ici? Tu veux le caïd? T'es pas le caïd ici. C'est moi le caïd ici. C'est moi le boss. Y'a pas de caïd. Tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça. Calmez-vous. Pas de gêne. Calmez-vous. Reste tranquille, ça. Police nationale. Tu sais pas lire, toi. T'en es pas comme moi. Je sais pas lire, tu sais pas lire. On est tricard, tu le sais, poto, on a le profil type. Comme dit il, comme la colle dans un survêt loto. Pas la peine de faire du sable, ils le savent. Ça crame encore des noirs et des arabes. Comme quand un mec parle mal, que toi t'arrives, que lui il s'arrache. Comme quand la Zara est dans les parages. Comme un enfant des ruelles, trop bavard. Comme les penchants sexuels de ma gloire, tricard. Comme les profs et la fausse histoire de France qu'ils t'apprennent. Comme la moustache de Francis Cabrel. Comme les malversations des entreprises d'un elf. C'est tricard, nique sa mère façon. Comme ce policier m'en veut. Comme un accent trop grillé de banlieue. Comme un colis suspect dans une salle d'attente. Comme un tange qui tend un faux billet de 100 euros. Une mère qui vit avec sa traîne. Un soldat qui veut juste que la guerre s'achève. Depuis que la haine s'achève, la joie se fait traiter de sale chienne. À quel point mon peur est hardcore. Les plans que les majors élaborent. Les manigances de Pearl Harbor. Les alliances de l'UMP, monsieur Poivre d'Arvor. On est né cramé, on se lève tôt, on se couche tard. On est décalé, donc on est jugé coupable. Contrôle de police à chaque fois les coups partent. Ils ont mis le feu aux poudres alors tout crame. Non, on est né cramé, on se lève tôt, on se couche tard. On est décalé, donc on est jugé coupable. Contrôle de police à chaque fois les coups partent. Ils ont mis le feu aux poudres alors tout crame. Tranquille, on est quatre frangines. Comme une plaquette de 200G dans le jean. Comme la banane à Fonzi. Comme ma ganache et ma casquette dans les fanzines. Comme un rappeur qui joue les bandits, mais qui peut pas se balader seul dans le centre-ville. Comme la jalousie et l'envie. Comme une discussion de haut voix sur un sans fil. Ouais, allô, j'ai bien réfléchi, mais en viens, fait, je te pose au bloc B. Personne parle avec toi. Y'a tout. Là-bas, y'a la cacoule, y'a mon pote Ali qui mettra le fusil à côté. Tu disais, dégâts de la tête aux couilles. Pourquoi ton avis? Parce qu'on est ghetto youth. Comme le maillot jaune, t'as le tour de France. Comme des cicatrices sur une fouve de trans. Tricard, comme les lergards. Des gars qui lergent pour fêtard. Un étranger dans ce pays-là. Une voiture 9-2 qui est rentrée des Pays-Bas. Ou une passe de taga dans le car. En provenance directe de Casablanca. Un homme avec un brassard dans le bras. Un autre qui fait un braquage sans bas. Tricard depuis la naissance. Plus encore à l'adolescence. Tricard comme un zodiac plein de seum qui vient jeter l'ancre au port de plaisance. On est né cramé, on se lève tôt, on se couche tard. On est décalé, donc on est jugé coupable. Contrôle de police à chaque fois les coups partent. Ils ont mis le feu aux poudres alors tout crame. Non, on est né cramé, on se lève tôt, on se couche tard. On est décalé, donc on est jugé coupable. Contrôle de police à chaque fois les coups partent. Ils ont mis le feu aux poudres alors tout crame. On est tricard, comme le G-Star et le backpack. Comme un mec qui sort Géchard de son backpack. Comme Ophéla et ses faux zézelles. Comme Amanda Lear et sa grosse zézelle. Comme un Hongrois qui pousse pour avoir le pouvoir. La sortie de garde avant anticipée d'une boucave. L'accent d'un blédard qui essaie d'apprendre à lire. Attends la mif, j'ai dit quoi? La sortie de garde avant anticipée d'une boucave.